بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الدروس التي بها يفرح المؤمن. Bienvenue aux chers frères dans ces assises qui sont la cause du fait que le croyant est heureux. Il est heureux de voir sa foi qui augmente, de sentir sa foi qui augmente, d'apprendre sa religion, d'apprendre qui est son Seigneur, qu'est-ce qui lui est obligatoire, qu'est-ce qui lui est permis, qu'est-ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et l'absence de ces cours, en fait, c'est un grand manque. Cela nous fait du mal, du tort, particulièrement dans ces pays. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous devons remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ces bienfaits qu'il nous a accordés. Comme on le remercie Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir permis d'être ici présents pendant le mois de Ramadan, de pouvoir l'adorer, de pouvoir nous rapprocher de lui. Wa nahnu sanashra'u al-yawm fi kitabin 'azim wa هو كتاب صلاة التراويح من صحيح البخاري. On va commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, un chapitre très important, le chapitre lié à la prière du Tarawih, tiré du livre صحيح البخاري. وهذا الكتاب صحيح البخاري هو أفضل كتاب بعد كتاب الله تعالى. Ce livre, comme on l'a déjà souvent dit, صحيح البخاري est le meilleur livre après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, dû à son authenticité. وَهَذَا الْإِمَامُ الْبُخَارِي فَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْهُ فِي دُرُوسِنَا فِي بَبْ السَّهُ. Et certes, l'imam al-Bukhari, on a déjà abordé sa biographie, on a parlé de lui lorsqu'on a vu le chapitre de la prosternation, de la distraction. Et donc, vous pouvez revenir vers ces cours qui ont été enregistrés et propagés. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أقصد كتاب صلاة التراويح بابا واحدا فحسب. L'auteur dans ce chapitre, le chapitre de la prière du Tarawih, il n'a cité qu'un seul sous-chapitre. Il n'a cité qu'un seul sous-chapitre. وهو باب من قام رمضان. C'est le sous-chapitre concernant celui qui reste éveillé à prier pendant Ramadan. Celui qui reste éveillé à prier pendant Ramadan. Wa qabla al-kalam ala hadha al-bab ahbabtu an ubayyin lakum amran muhimman. Avant de commencer donc ce sous-chapitre, je voudrais d'abord vous expliquer un point important. La parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah kitab salat at-tarawih. Le chapitre concernant la prière du Tarawih. Fa qala Ibn Hajar rahimahullah والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. Ibn Hajar rahimahullah, il dit التراويح, c'est le pluriel de ترويحة. ترويحة qui est le fait de se reposer une fois, de prendre une fois du repos. Comme on a تسليمة qui est le fait de une fois passé le salam, taslima comme on a à la fin de la salat, et taslimatul ula et taslimatul athaniya. Et donc une fois le fait de passer la salam, ce sont deux mots qui sont sur la même forme, le même wazn. Et donc le mot tarawih vient de ce mot tarwiha, le fait de prendre du repos. Il dit Ibn Hajar rahimahullah, summiyat as-salatu fil jama'a في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. Et donc il dit Ibn Hajar rahimahullah, la prière en groupe durant les nuits de Ramadan, la prière en groupe durant les nuits de Ramadan a été appelée Tarawih, car au début lorsqu'ils se sont rassemblés au début pour accomplir cette prière, il se reposait après chaque taslimatein. Donc, dès que l'imam a fini de faire ses unités et qu'il fait taslimatayn, là, les gens, ils se reposaient. Il a été rapporté parfois par certains cas, ils se reposaient le temps d'accomplir une ou deux ou plusieurs prières. Et donc, c'était quand même un long repos. Pourquoi ? وَهَذَا أَيُّوَ الْإِخْوَى يَدُلُّنَا عَلَى طَوْلِ الْقِيَامِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ السَّلَفِ. Cela nous montre, ô chers frères, la façon dont la récitation était longue chez nos pieux prédécesseurs. فَكَرْنُهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى رَاحَةٍ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى طَوْلِ الصَّلَاتِ وَعَلَى الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاتِ. Le fait qu'ils aient besoin de se reposer entre chaque prière montre le fait que cette prière était longue et que cette prière entraîne une difficulté, car elle est longue. خِلَافًا لِمَنْ نَرَى فِي أَيَّامِنَا. Contrairement à ce qu'on voit à notre époque. À notre époque, la Bouddha Annouk Mila Bisura, il est impératif de finir vite, pas la prière, tout le Tarawih en entier. Tout le Tarawih en entier, il faut le finir vite. Wala nashhuru bita'ab, on ne ressent pas de fatigue. On ne ressent pas de fatigue pendant ce Tarawih, parce qu'on le fait rapidement. Bel ta'ammalu ayol ikhwa, el imam. L'imam, de façon générale, que ce soit en France ou dans les pays musulmans, l'imam ne fait pas long pendant Tarawih. Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas supporter. Vous imaginez, on vient ici à la mosquée et on fait Tarawih comme il faisait à l'époque des salafs. On commence après l'Isha, on finit un peu avant Fajr. Vous allez venir ou pas ? Alors, des fois, on veut pas les hassanettes. Vous allez me dire, Abdelkarim, franchement, on veut, mais on n'a pas la capacité. Et donc, l'imam ne fait pas long. Le tarawih, il dure combien de temps, en réalité ? Une heure ? Allez, c'est ça, une heure, le tarawih. Et donc, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure vraiment pas longtemps. Malgré ça, ma'adhalika, ahyanan nash'uru bitab. Malgré ça, le fait que l'imam ne fasse pas longtemps, parfois on ressent de la fatigue. Subhanallah. Parfois on ressent de la fatigue alors que l'imam ne fait pas long. Limadha li'anna an-nas lam ya'tadu 'ala al-qiyam. Parce que les gens n'ont pas pris l'habitude de prier la nuit. Ils n'ont pas pris l'habitude de prier la nuit. Alors lorsque tu viens pour Tarawih, c'est sûr que c'est difficile. T'as pas pris l'habitude de prier la nuit. Tu pries Fajr. Allez, vraiment, si, mashallah, si la foi elle est bien, raka'ate une barre de Fajr, raka'a, ta witr, et après tu vas dormir. Excusez-moi, après l'Isha. Et donc tu pries l'Isha, et si la foi elle est bien, raka'ate une après l'Isha, et tu pries le witr, et ensuite on va dormir. D'accord ? Et donc à cause de ça, on n'a pas pris l'habitude du qiyam. Lorsque tu viens pour Ramadan, ah, c'est dur. C'est que une heure. Malgré ça, parfois, tu te sens des douleurs au dos. On n'a pas l'habitude. Hein? C'est comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport. Il n'a pas l'habitude de faire du sport. Tu lui dis, prends une toute petite montée. Il va te dire, oulala. Oulala, on se calme. Pourtant, c'est pas long. Mais il n'a pas l'habitude de faire du sport. Pour l'acte d'adoration, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mémoriser. Tu vas venir lui dire une ligne par jour, il va te faire quoi ? Une tous les jours ? Subhanallah ! Comment je vais faire ? Alors qu'une ligne, c'est pas beaucoup une ligne. Mais on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Et donc c'est la même chose pour Qiyam al-Layl. On reste toute l'année comme ça. On ne fait pas le Qiyam et lorsque Ramadan arrive, on se rappelle, ah, c'est vrai, il y a une prière la nuit. C'est vrai. طيب أيها الإخوة أنتم تذكرون قول إبراهيم عليه السلام إني لا أحب الآفلين. Vous connaissez la parole d'Ibrahim عليه السلام إني لا أحب الآفلين. Certes, je n'aime pas ceux qui disparaissent. وفي الدروس الردود على النصارى رددنا عليهم في هذه المسألة. Sur les cours, donc, durant les cours, lorsqu'on a répliqué sur les chrétiens, on a répliqué sur eux sur ce sujet. أنهم يعبدون إلها مات في زعمهم ثلاثة أيام فغاب عنهم. Ils adorent une divinité qui, selon eux, est morte pendant 3 jours. Isa, selon eux, il est mort pendant 3 jours. Il a donc été absent pendant 3 jours. On leur a reproché cela. Comment pouvez-vous adorer une divinité qui s'absente ? أيها الإخوة إنكم تعبدون ربا هو رب كل الشهور. Oh mes frères, vous adorez un Seigneur qui est le Seigneur de tous les mois. C'est pas que Ramadan. أنت عليك أن تعبد الله تبارك وتعالى في جميع الشهور. Tu dois adorer Allah تبارك وتعالى durant tous les mois. C'est pas que pendant Ramadan. فأنت استعين بكثرة العبادة الحاصلة في رمضان لتحسين نفسك. Et donc toi, aide-toi du grand nombre d'adorations qu'il y a durant Ramadan pour améliorer ta propre personne. لتكون بعد رمضان خيرا من حالك قبل رمضان. Afin que tu sois à la fin de Ramadan, après Ramadan, meilleur que ta situation avant Ramadan. ثم تواصل. Et ensuite tu continues comme cela. Ne reste pas là. Ah, c'est bon cette année, mashallah, j'ai fait pas mal de qiyam, ça c'est fini. On arrête là. Ça c'est fini, on s'arrête là. Vous vous rappelez de la parole, le tafsir, une sourate qui est très courte, on a vu ensemble. Wad-duha. Wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. On avait cité quoi ? C'était quoi la cause de révélation de ce verset ? Cette sourate. Inqita' al-wahy. Et donc la révélation qui s'est arrêtée. 2 ou 3 nuits. Puis une femme qui est venue, elle a dit au messager d'Allah, ton shaitan t'a délaissé. Ton shaitan t'a délaissé. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé cette parole. Al-Bukhari, il a cité ce hadith dans un chapitre pour montrer tarq al-qiyam lil-marid. Le fait que le malade délaisse le qiyam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était malade, ou du moins il se plaignait d'une douleur. Et c'est à cause de ça qu'il ne s'est pas levé donc pendant la nuit. À cause de ça qu'il ne s'est pas levé pendant la nuit. Et donc Al-Bukhari, il a cité cela, le fait que le malade il délaisse le qiyam. Sahib, les frères, est-ce que nous, la base chez nous, c'est qu'on fasse le qiyam et donc on est dans la situation du malade? Ou la base, on fasse le qiyam et donc on est dans la situation de celui qui est en bonne santé? Ou on ne le fait pas le qiyam à la base et donc on est dans la situation du malade? Al-Bukhari, il nous montre ici, les frères, que la base, elle aslu anna al-mu'min yuqimu al-layl. La base, c'est que le croyant, il fait qiyam al-layl. Il prie la nuit. Il prie la nuit. Et s'il est malade, yatsouk. Et lorsqu'il est malade, à ce moment-là, il délaisse qiyam al-layl. Est-ce qu'on est malade toute l'année et quand Ramadan vient, alhamdoulilah, Ramadan, je suis en bonne santé, je fais qiyam al-layl. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Certes, ton Seigneur, il sait que tu pries les 2/3 de la nuit et sa moitié ou son tiers, toi et une partie de ceux qui sont avec toi. Où sommes-nous du caractère, du comportement donc des pieux prédécesseurs? وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ بَعْدَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَخْتِمُونَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ لَيَالِي. Et donc certains compagnons, ils finissaient le Coran toutes les 7 nuits, d'autres que 3. عثمان جاء عنه أنه ختم القرآن في ركعة. عثمان, il a été rapporté qu'il a fini le Coran en une unité. Et donc les frères, Je vous dis pas de finir le Coran en une unité, ni en trois nuits. Mais nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas tarawih à la mosquée. On fait comment? Puisqu'on a perdu l'habitude. À la maison, on ne fait pas tarawih. À la maison, on ne prie pas, excusez-moi, on ne prie pas la nuit. Taïb, quand on arrive à, aujourd'hui, maintenant, dans la situation dans laquelle nous sommes, comment on va faire? Nous n'avons pas pris cette bonne habitude qu'on devait avoir. Et donc, on doit profiter, mes frères, pendant ce mois, Inch'Allah ta'ala, pour se rééduquer sur ce sujet. Bi'idhnillahi ta'ala. L'auteur rahimahullah, il nous dit « Babu fadli man kome Ramadan » Les mérites, le chapitre concernant les mérites de celui qui s'est levé et a prié pendant Ramadan. « Kome Ramadan » Qalatil ulama ay man kome layalihi musalliyan » Kome, donc celui qui est levé, ce qui est voulu ici, c'est qu'il est levé durant les nuits de Ramadan à prier. Donc en train de prier, c'est ça qui est voulu par là, la prière, pas le fait de manger. Attention parce que, bien entendu, cette mauvaise habitude qu'on a, et ta'am, la première chose, et qu'on ne fait pas attention à ce qui nous est réellement profitable. Et donc ce qui est voulu par là, c'est la prière, c'est wa an sol et tarawih ou et tahajjud. Et donc c'est la prière, peu importe que la personne elle prie de tarawih, ce qui est voulu par le terme tarawih ici, c'est la prière avant d'aller dormir. Ou at-tahajjud, la prière après avoir dormi. Donc tu pries l'Isha, ensuite tu vas dormir, et ensuite un peu plus tard dans la nuit, tu vas reprier. Certains savants appellent cela at-tahajjud. Il y a une divergence donc dans la langue arabe concernant le terme at-tahajjud. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, haddathana Boukair. Alhamdoulilah, j'ai pris le livre avec moi. Voilà. Il nous dit, rahimahullah, haddathana Yahya ibn Boukair. Kole haddathana Layth ibn Uqayl. An ibn Hisham. Ibn Shihab قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et donc l'auteur ici nous a cité deux chaînes de transmission donc qui passent par Abu Huraira رضي الله عنه. La première narration avec Abu Hurayrah radiyallahu anhu qui dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire concernant Ramadan que celui qui reste debout, éveillé pendant celui-ci en ayant la foi et l'espérance, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. » Ses péchés passés lui seront pardonnés. Dans la deuxième narration qu'il a cité l'auteur, qu'Abu Hurayrah radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui reste debout pendant Ramadan et donc qui reste debout à prier pendant Ramadan en ayant la foi et l'espérance, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. هذا الحديث أيها الإخوة معروف ومشهور أخرجه شيخان. Ce hadith, il est connu et répandu. Il a été cité par Sheikhan, Al-Bukhari et Muslim, le plus haut degré donc d'authenticité des ahadiths. فَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا أَيْ مُصَدِّقًا لِمَشْرُوعِيَّتِهِ وَبِالثَّوَابِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ. Et donc celui qui prie durant les nuits de Ramadan en ayant la foi, c'est-à-dire celui qui croit quant au caractère légiféré de cet acte et aussi qui croit à la récompense liée à cet acte qu'il accomplit. Wahtisaban ay talaban lil ajri la li qasdin akhar karriya'i aw ghayrihi. Et le fait et l'espérance, donc celui qui prie Ramadan en ayant la foi et l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire qu'il recherche la récompense. Il croit donc en cette récompense et il la recherche. Il recherche cette récompense et il ne va pas faire cet acte, le fait de prier les nuits de Ramadan pour autre que cela, comme l'ostentation ou autre. Tu ne pries pas les nuits de Ramadan pour que les gens fassent tes éloges. Masha'Allah, le frère, il a récité le Coran 30 fois cette année. Allahumma barak. On va lui préparer un trophée. On fait un trophée de la mosquée cette année. Hein? Et donc on fait un trophée, etc., etc. Non, tu fais ça lillahi tabaraka wa ta'ala. Pour Allah seul. Aucun acte d'adoration. Fais très attention à ce que tous tes actes d'adoration soient pour Allah et qu'ils ne contiennent pas d'ostentation. Fais attention et ne prends pas ce sujet à la légère. Enfin, comme il disait les salafs, fais inna niyatan qalibu alayya. Car certes, l'intention, elle change. Elle change l'intention pendant que je suis en train de faire mon acte. Alors fais attention. Je n'ai fait aucun effort sur moi-même comme j'ai fait sur mon intention. Car celle-ci, elle changeait sur moi. Ça, c'est nos salafs qui parlaient. Mais nous, aujourd'hui, on arrive, on dit, moi, alhamdoulilah, tout va bien. Lillah azawajal, tout le temps. On est plus pieux qu'eux. Et donc, les frères, il faut qu'on admette notre faiblesse et qu'on corrige nos erreurs. Premièrement, admettre tes erreurs, ça va t'aider à les corriger. Ne te sens pas meilleur que les autres. C'est très important. Ensuite, man fa'ala dhalika ayyuhal ikhwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وَهَذَا يَدُلُّكُمْ عَلَى فَضِيلَةِ الْقِيَامِ فِي هَذَا الشَّهْرِ. Celui qui va faire cela, ô mes frères, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et cela vous montre, ô chers frères, les mérites de la prière nocturne durant ce mois. وَكُلُّ نَبِي حَاجَ إِلَى هَذَا الْأَجْرِ. Et nous avons tous besoin de cette récompense. مَنْ مِنَّا لَا يُذْنِبْ. Qui d'entre nous ne fait pas de péché? Qui d'entre nous ne fait pas de péché? Tous tes péchés passés sont pardonnés. Qui d'entre nous ne fait pas de péché? Nous ne devons pas négliger cette récompense, oh mes frères. On a tous besoin de ça, nous faisons tous des péchés. C'est une grave erreur que de négliger ces récompenses. Et ensuite, les ulama, ils ont abordé ce sujet. Parce que, قال بعض العلماء إن الحديث على عمومه. Certains savants ils disent que le hadith, il garde son caractère général. Tous ses péchés passés sont pardonnés. Ils disent donc, les grands et les petits péchés, tous les péchés sont pardonnés. Ça, c'est un avis des savants. Cependant, la majorité, ils voient que ce qui est voulu ici, ce sont les petits péchés, pas les grands. Pourquoi? Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit As-salawatul khams wal jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma baynahun idha ijtunibat al-kaba'ir. Les cinq prières d'une à l'autre, d'un vendredi à un autre vendredi, d'un ramadan à l'autre ramadan, sont des éléments, des actes qui permettent d'expier tous les péchés qu'il y a entre eux à condition que les grands péchés soient délaissés. À condition que les grands péchés soient délaissés. Et donc, si tu veux réellement profiter de ce qiyam que tu vas faire et de ce jeûne que tu vas faire aussi pendant les journées de Ramadan, délaisse les grands péchés afin que les petits péchés soient pardonnés. Vous, méditez les frères sur la situation de ce jeûneur. Il ne mange pas de nourriture. Il ne mange pas de nourriture. Il ne boit pas. Et ensuite, il va manger la chair de son frère. Il ne mange pas de nourriture, mais il mange la chair de son frère. Miskin, il a encore faim, il a faim, mais il mange la chair de son frère. Ça ne nourrit pas. Mais par contre, il prend des péchés. et il ne profite pas correctement de son jeûne. Et donc, nous devons faire des efforts, mes frères, pendant ce mois, pendant les journées de Ramadan, dans le siyam, dans le jeûne, pendant les nuits, durant les prières, nous devons faire énormément d'efforts pour corriger nos défauts mutuellement, afin que nous arrivions à la fin de ce mois dans une meilleure situation que celle dans laquelle nous sommes actuellement. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue. Donc la semaine prochaine, lundi prochain pour le prochain cours. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.